dire bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Venez, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un dinosaure dans le jardin. Oh, le vieux surprenant. Ah oui, tu vas me dire, c'est toujours tout, toi. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Mais non, rien du tout. Benjamin, ne me pousse pas comme ça. C'est pas vrai, t'as qu'à couper. C'est comme ça que j'ai amitié. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Pour le sujet que nous allons traiter ce matin, l'actualité n'est pas momentanée, elle est, si je puis risquer cet oxymore, permanente. Car il s'agit de l'exhumation des dinosaures. J'étais à Toulon la semaine dernière et en ouvrant le quotidien du lieu, Var Matin, je suis tombé sur ce titre explicite qui barrait une page entière, Saint-Maximin, des dinosaures sur l'autoroute des vacances. L'élargissement de l'autoroute A8 du côté de Château-Rouge a permis en effet à des paléontologues du musée d'Aix-en-Provence de faire émerger les os, les dents et les œufs de divers spécimens de ces illustres animaux qui nous ont précédés sur notre Terre, voici des dizaines de millions d'années. Ce que je voudrais surtout mettre en lumière ce matin, c'est le dialogue compliqué qu'entretient ici une science en progrès constant et une floraison presque infinie de mythologie portée par des rêveries débridées. Or, il se trouve que cette rencontre entre les faits et les rêves, entre la connaissance savante et l'imagination fantasmatique, que cette rencontre est de toujours. Je veux dire qu'elle remonte aux origines de la découverte puis de la dénomination des dinosaures à la fin du XVIIIe siècle et dans le cours du XIXe. Entre ce temps-là et le nôtre, je ne doute pas qu'un rapprochement doive être stimulant. J'ai donc convié celui qui s'imposait sur ce thème. Je veux dire Philippe Taquet, professeur de paléontologie au Muséum d'histoire naturelle, dont il a été naguère le directeur, membre de l'Académie des sciences, et que la presse salue régulièrement comme le premier chasseur de dinosaures français. Non seulement il en est un des spécialistes les plus reconnus dans le monde, mais il n'a pas cessé de s'intéresser à l'histoire de leur émergence dans la conscience et la curiosité des hommes. Je vous propose donc de remonter avec lui dans le temps, à la fois tout près, un siècle ou deux, et beaucoup plus loin, des millions d'années, en comptant bien que votre curiosité ne sera pas exempte de quelques fascinations. Dis-nous d'où tu sors. Dis-nous, dinosaure. Dis-nous. Philippe Taquet, bonjour. Bonjour. J'ai ouvert cette conversation avec une chanson de 1993, Dinosaur, les paroles de Jeanne-Marie Pubelier, une musique de Hélène Boye. 1993, c'est peut-être un hasard, mais pas vraiment, c'est l'année aussi de Jurassic Park de Steven Spielberg. Ce qui frappe vraiment, c'est l'incroyable profusion des œuvres qu'ont inspiré, réalité ou mythe, les dinosaures. Oui, parce que les dinosaures nous mettent en face de l'immensité des temps géologiques. C'est une interrogation pour l'homme. Et de regarder des êtres vivants si surprenants, s'interroger sur leur naissance, leur évolution et aussi leur disparition, leur extinction. Autant de questions qui, évidemment, nous interpellent énormément. Nous sommes une espèce parmi des autres espèces et nous nous posons la question de savoir, en regardant les dinosaures, le sort des dinosaures est assez impressionnant. Quel sera notre sort à nous dans l'histoire de la vie sur Terre? Voilà une question, finalement, derrière les dinosaures que tout le monde, plus ou moins, se pose. Quand je lis vos travaux, par exemple, ce livre qui est vieux d'une dizaine d'années, qui s'appelle « L'empreinte des dinosaures », qui était un gros succès, je suis frappé de l'entrelac constant entre la recherche très, très distanciée de ce qui fut vraiment, et puis le rêve qui vous conduit tout autour de la planète à retrouver vos dinosaures, à les chasser. D'où le titre « L'empreinte des dinosaures ». C'est l'empreinte au sens propre qu'ont laissé ces grands sauriens du Mésozoïque, du Trias, du Jurassique, du Crétacé sur les dalles de pierre aujourd'hui. Et on croyait à l'époque qu'il s'agissait d'empreintes d'oiseaux avant de savoir qu'il s'agissait réellement de dinosaures. Et puis l'empreinte dans la tête des gens, parce qu'effectivement, décrire des animaux gigantesques dans l'Atlas marocain, sortir au bout du champ d'un paysan des fémurs de 2 mètres de longueur, et évidemment, cet homme qui n'a jamais entendu parler de paléontologie, et ça pourrait être la même chose pour un paysan des Corbières, découvre brusquement, au bout de son champ, un animal gigantesque qui fait 4,60 m de haut, mais qui est un vertébré, et il est capable de reconnaître l'anatomie d'un vertébré. Donc il se pose la question, mais qu'est-ce que cet animal fait là? Pourquoi est-il si grand? Quand a-t-il vécu? Et alors, dans sa tête, commence toute une série d'interrogations qui ont été les interrogations des gens du XVIIIe siècle face aux os de géants, aux os de dragons, que les gens observaient, bien sûr. L'homme a toujours observé la nature et donné une réponse mythologique, poétique, à ces objets venus d'autres temps et s'interroger sur leur nature réelle. En millions d'années, la fourchette de l'existence des dinosaures, vous la précisez comment? Eh bien, les dinosaures font leur apparition sur Terre à la suite. Ils sont originaires d'autres reptiles, mais les premiers dinosaures datent de 230 millions d'années et ils vont parcourir tout le Mésozoïque, l'ère secondaire, pendant 155 millions d'années, avant de disparaître tous il y a 65 millions d'années. Trias, Jurassique, Crétacé. Et au fond, première idée reçue à détruire, l'idée que les dinosaures étaient des animaux grands, bêtes et méchants et qui ont disparu faute d'avoir su s'adapter est un non-sens, puisqu'ils ont peuplé la Terre pendant une période extraordinairement longue. Rappelons que l'histoire de notre espèce, nous, c'est 6 millions d'années à peu près. C'est tout bref. Et donc, nous avons devant nous beaucoup de millions d'années si nous avons le même sort que les dinosaures. Donc, c'est déjà optimiste. Je verrai comment nous terminerons cette émission tout à l'heure. Mais il y a un contraste, bien sûr, entre la très très longue durée des dinosaures sur Terre et puis le caractère extraordinairement récent de la capacité qu'ont eu les hommes de les connaître. Vous parliez du XVIIIe siècle. Racontez-nous comment les choses ont commencé et quelle a été la réaction à la fois intellectuelle et psychologique des premiers découvreurs et du public qui a été au courant de leurs recherches. Voilà. Au fond, les choses commencent de manière anecdotique. Même en Chine, en l'an 300, un lettré qui s'appelait Shang Ku va trouver des os de dragons. Évidemment, et va décrire ces os de dragons dans la province du Sichuan, dont on sait aujourd'hui que c'est une province très riche en ossements de dinosaures. Donc, vous voyez, les observateurs, très tôt, se penchent sur des objets, mais ils n'ont pas la clé et l'interprétation convenable. Donc, il s'agit d'os de dragons. Et puis, les habitants des steppes mongoles vont observer aussi des squelettes dinosaures. On va les appeler des êtres extraordinaires, mythiques. Et puis, dans les îles grecques, on va trouver les géants, les cyclopes, etc. On pense d'ailleurs que les cyclopes, en fait, correspondent à des crânes de mammouth. Et comme sur le crâne de mammouth, il y a un gros orifice sur le dessus du crâne qui correspond à l'emplacement de la trompe, on a l'impression d'avoir affaire à un géant et qui n'aurait qu'un œil. Et d'où le mythe probable du cyclope. Et puis, en effet, on arrive au XVIIe siècle, en Grande-Bretagne, où, près d'Oxford, on trouve encore des os. Les carriers amènent des objets étranges, en particulier l'extrémité inférieure d'un énorme fémur, dont les condyles sont très gros, qui servent à l'articulation avec le tibia. Fossilisé. Alors voilà, il s'agit d'un os de dragon, incontestablement. Et puis après, quelques temps après, en 1763, un autre, cet os trouvé par Robert Plot. On se rapproche. Redécrit par un homme qui s'appelle Brooks et qui lui dit, mais ce fémur, en fait, c'est pas du tout un fémur. Vous voyez, ces énormes condyles, c'est un scrotum humanum. Ce sont les parties sexuelles d'un géant. D'un énorme géant qui ont été fossilisés. Alors voilà une explication tout de même assez extraordinaire. Partie sexuelle, ça fait déjà rêver à toutes sortes de... Ah ouais, effectivement, donc ça enflamme les imaginations, évidemment. Et en fait, on sait aujourd'hui que, d'après les gravures, les descriptions, qu'il s'agissait de l'extrémité inférieure d'un gros fémur, d'un dinosaure carnivore. Déception. Et puis, on va trouver dans le Connecticut, aux États-Unis en 1800, des empreintes d'oiseaux conservées sur des dalles calcaires. Et ça ne s'invente pas. L'homme qui décrit ces empreintes s'appelle Hitchcock et pense que toutes ces empreintes sont des empreintes d'oiseaux. Allons bon. Et on démontrera à Piret qu'il s'agit en fait d'empreintes de dinosaures. Belle concordance des temps du côté de l'anecdotique et du hasard. Mais je vous remercie de l'avoir signalé. Et puis, au fond, les choses vont prendre une tournure plus scientifique avec le 18e siècle, avec le siècle des Lumières. Et là, par exemple, le marquis de Longueuil qui se rend aux en continent nord-américain, les États-Unis n'existent pas. Anachronique. Absolument. Va avec des Indiens traverser le territoire de l'Est des États-Unis pour se rendre à la Nouvelle-Orléans. Et les Indiens lui signalent des gros ossements près de Big Bone Lick, comme son nom l'indique, dans une mare salée. Et il récolte des énormes dents qui ressemblent à des grosses dents un peu d'éléphant. Et c'est, on dit, c'est cette espèce d'animal monstrueux qui a disparu. Et Longueuil va envoyer ses pièces à Paris en 1740. Elles y sont toujours. Elles sont envoyées à l'Académie. Étienne Guettard, qui est contemporain de Lavoisier, un de ses collaborateurs, va décrire ses pièces. Et nous avons la chance de posséder là les premiers vertébrés fossiles jamais découverts pour toute l'Amérique du Nord. Ce sont des trésors historiques magnifiques. Cocorico. Ben oui. Et alors, que les Américains nous envient, bien sûr. Et ces pièces vont être décrites par Buffon et Daubenton au XVIIIe siècle. Daubenton est un anatomiste de talent qui, au fond, est chargé de disséquer les animaux pour Buffon, qui, lui, avec ses manchettes de dentelle, va écrire en très beau style l'histoire naturelle des animaux. Belle collaboration. Oui, et Daubenton va faire les dissections, on appelle ça les tripailles de Monsieur Daubenton, et il a les mains, évidemment, dans les animaux vivants, et va comparer les squelettes de girafes, d'éléphants, à ces os mystérieux. Et il va être le premier à faire ce qu'on appelle de l'anatomie comparée. Et c'est encore la clé de toutes vos réflexions aujourd'hui, ça c'est une permanence. Bien sûr, la méthode est la même, nous l'utilisons toujours aujourd'hui, elle a été amplifiée et magnifiée par Georges Cuvier, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est Daubenton, du temps de Buffon, qui va le premier se lancer dans ces comparaisons fructueuses. Et il va montrer que, finalement, ces fémurs envoyés par Longueuil ressemblent à des fémurs plutôt d'éléphants. Et il commence à soulever l'idée, à ce moment-là, de l'existence dans les temps reculés d'espèces qui avaient vécu autrefois et qui sont aujourd'hui éteintes. C'est la première apparition d'un concept nouveau, d'abord de l'interprétation convenable des restes osseux et de leur disparition à un moment donné. Et du même coup, on en arrive à placer les dinosaures au centre d'une réflexion qui, si je puis dire, les dépasse et qui est encore actuelle, y compris aux États-Unis, c'est-à-dire la question du créationnisme, la question de savoir s'il y a eu une évolution des espèces ou si ça n'est pas le cas. Et on va trouver tout de suite l'opposition entre deux très grands hommes. D'un côté, Georges Cuvier et de l'autre, Geoffroy Saint-Hilaire. Écoutez ce qu'en disait, il y a plus d'un demi-siècle, Gaston Bachelard, grand philosophe et historien des sciences, sur la radio d'État. Nous sommes le 19 août 1949. C'est dans une séance de l'an 1830 qu'éclata au grand jour la sourde rivalité de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire. Averti de la séance mémorable de l'Institut, où s'était affronté le fixisme de Cuvier et le transformisme de Geoffroy Saint-Hilaire, Goethe, le vieux Goethe, y prit plus d'attention qu'à la révolution politique de Juillet. « Je me réjouis, dit-il, d'avoir assez vécu pour voir le triomphe de la théorie des transformations des espèces vivantes. Balzac lui-même, dans Les Illusions perdues, a rappelé la lutte de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire. Deux génies égaux, dit-il. Sur le plan même de la science, Balzac voyait éclater le conflit entre les forces de la trahison, de la tradition, et les forces de transformation. Il comprenait que la pensée scientifique est une pensée révolutionnaire. Alors il y a Corneille et Racine, il y a Voltaire et Rousseau, et puis il y a Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire. Vous venez d'ailleurs de publier, Philippe Taquet, vous venez de publier un livre consacré à la première partie de l'œuvre de Georges Cuvier, que vous aimez beaucoup, avec le sous-titre « Naissance d'un génie ». Alors il faut que nous expliquiez en quoi, autour de cette question des dinosaures, comment a pu s'organiser l'affrontement de deux doctrines, cet affrontement qu'évoquait Balzac dans Les Illusions perdues. Ils étaient d'ailleurs très amis, Cuvier, Georges Cuvier et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire étaient des amis. Lorsque Cuvier arrive au Muséum à Paris alors qu'il a 26 ans, c'est Geoffroy Saint-Hilaire qui l'accueille, qui le loge. Et on est à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, on est en 1795. Et la Révolution a eu lieu, et elle n'est pas tout à fait terminée, mais voilà ce jeune naturaliste brillant qui était en Normandie, précepteur. Perdu. C'est un brillant franc-comtois, il vient de Montbéliard. Oui, il vient de Montbéliard. Il a d'ailleurs fait ses études en Allemagne, à l'université Caroline de Stuttgart. Et puis, il a traversé, sans trop de dommages, la Révolution en étant secrétaire greffier d'une commune révolutionnaire. Ça donne des morceaux savoureux pour essayer de gérer la pénurie et les saisies révolutionnaires. Il arrive à Paris et Geoffroy l'accueille. Et au fond, ils vont travailler ensemble, publier ensemble. Mais après, comme souvent dans la science, leurs idées vont devenir divergentes et ils vont finir par se fâcher. Et c'est cette fameuse querelle de 1830 à laquelle Goethe prête une grande attention. Pourquoi ? Parce que Cuvier va montrer au cours de ses travaux, grâce à l'anatomie comparée, que l'unité du vivant, en fait, l'échelle des êtres qui imaginent un continuum entre les cellules jusqu'à l'homme, comme le disait Charles Bonnet au XVIIIe siècle, est un leurre et qu'il y a des plans de construction dans le vivant qui sont irréductibles. Nous sommes des vertébrés avec une symétrie bilatérale. Les articulés, c'est-à-dire les insectes, les arthropodes, ont un squelette externe alors que nous avons un squelette interne. Oui, je et peux puis confirmer. Le troisième groupe, c'est celui des mollusques qui a une architecture différente. Et le dernier groupe, le quatrième groupe, qu'il appellera des embranchements, ce sont les radiaires, les oursins ou les méduses. Et on ne peut pas passer de la symétrie d'un radiaire à la symétrie bilatérale d'un vertébré que nous sommes. L'échelle des êtres est un leurre. Il y a des séparations dans le vivant. Pas du tout, rétorque Geoffroy Saint-Hilaire, il y a une unité de plan dans le vivant. Simplement, chez les insectes, eh bien, les vertèbres sont à l'extérieur et à l'extérieur du corps. Alors évidemment, ça choque énormément Cuvier. On dirait aujourd'hui que les deux grands esprits, comme il l'est dit dans le petit extrait, on fait un match où ils étaient deux grands savants qui ont terminé leur conflit. Ils étaient ex aequo. Chacun avait raison, en fait. Ah oui, l'un privilégiait la fonction, c'était Cuvier, et Geoffroy Saint-Hilaire privilégiait l'unité, l'idée de structure du vivant. Mais quand Cuvier nous dit qu'il n'y a jamais eu de création de nouveaux êtres, mais qu'il y a eu disparition de certains, et puis qu'il y a des mutations géographiques qui sont arrivées d'ailleurs, là vous ne pouvez pas, comme savant d'aujourd'hui, Philippe Taquet, rejoindre votre grand homme, quelle que soit votre affection et votre admiration non, pour non, lui. Non, non, non, Cuvier est fixiste, vous avez absolument raison. Mais là, dans le débat, Gould dirait aujourd'hui que Gould, c'est le grand Stephen Jay Gould, le grand théoricien américain, qui est mort il n'y a pas très longtemps, montre que le match était un match de deux grands savants et qui ont terminé leur combat ex aequo parce que l'un avait raison en mettant en avant la fonction des organismes qui adaptent le squelette à telle ou telle fonction, les carnivores, les herbivores, et que Geoffroy avait raison aussi avec son idée de structure, puisqu'on sait aujourd'hui, grâce d'ailleurs au code génétique, qu'il y a une structure unique du vivant, ce qu'on ne savait pas à l'époque. Donc l'un avait raison d'avoir tort, l'autre avait tort d'avoir raison, et le match était nul, mais Goethe se passionnait pour ce débat théorique formidable, et au fond, Goethe a envoyé des fossiles de sa collection que j'ai dans mon bureau, de Monsieur Goethe, ministre à Weimar, en admiration pour Cuvier, et Clémentine Cuvier, sa fille de Cuvier, a écrit à Goethe une lettre délicieuse que j'ai trouvée à Weimar en allant voir les collections de Goethe en disant « Mon père me charge de vous remercier, elle a 18 ans ». Et elle est admiratrice des œuvres de Goethe et elle lui dit « Ah, comme j'aimerais avoir près de moi un Méphistophélès pour partir sur ses ailes, vous rejoindre à Weimar », ce qui est absolument charmant quand on a 18 ans d'écrire ça à Goethe. Mais le combat idéologique, enfin sur les idées de science, a été très profond et a marqué l'histoire et les débats scientifiques du 19e siècle, de 1830. Et Cuvier et Geoffroy illustrent très bien ce que doit être la recherche et l'histoire des idées et les découvertes successives. Ça aurait été deux grands savants qui étaient deux caractères très différents. Geoffroy était poète et parti en Égypte avec Napoléon. alors que Cuvier prudemment est resté à Paris en se disant ma carrière ira plus rapidement si je reste à Paris et je pourrai étudier tous les animaux du cabinet d'histoire naturelle que je suis en train de créer, les 15 000 squelettes que je vais rassembler, tandis que Geoffroy risque de se perdre dans le désert. Donc c'était deux façons, deux approches différentes de la nature, de l'histoire et de la science. Il y avait aussi un fixisme géographique de Cuvier, alors que Geoffroy Saint-Hilaire était plus pérégrin. C'est d'ailleurs lui qu'on envoie en 1827, lorsqu'arrive dans le Midi la première girafe. Absolument. Envoyée par Mehmet Ali de l'Égypte pour aller la chercher, qui l'accompagne à pied avec l'angoisse terrible de jour en jour que cet animal puisse mourir. En fait, elle est arrivée au jardin. Magnifique, la girafe, elle est l'objet d'admiration, de visites énormes dans le jardin et de caricatures d'ailleurs aussi, parce que on fait des liens entre la girafe et les gouvernants politiques de l'époque. C'est très très amusant. Oui, il y a un livre magnifique qui a été écrit sur l'histoire de la girafe. Tout récent, de Olivier Lebleu. Mais pour montrer qu'il y a une permanence de cette fascination du public à l'égard de ce que vous étudiez, de ce que vous portez, de ce que vous restituez avec les dinosaures, Philippe Taquet, écoutons cette archive qui remonte à juillet 1953. C'est une visite du journaliste Fernand Lotte au laboratoire de Camille Arambourg, qui a été avant vous directeur du muséum Parfum d'époque. Un vénérable escalier à la rampe décoré de chrysanthèmes en fer forgé mène à l'illustre laboratoire de paléontologie que dirige au muséum le professeur Camille Arambourg. De degré en degré, comme de monstrueux trophées de chasse, se succèdent des vestiges d'une faune puissante, Macrotherium, Paléotherium, Magnum, Elephas insignis. Et au moment de frapper à la porte du laboratoire, le visiteur, qui sent de plus en plus peser sur soi le poids des millénaires silencieux, peut entrevoir dans la galerie du premier étage les fascinantes structures du Diplodocus et du Triceratops. Le professeur Arambourg se tient, clinicien attentif et calme, au chevet des âges. Sous son regard se range toute la ménagerie du révolu. Il n'est pas question de poumons respirants, de cœurs et d'artères battants, rien d'autre à interroger que des ossements, voire de précaires empreintes. Pourtant, il ausculte, il percute, et à travers ces immensités mortes, il écoute bruire la vie antédiluvienne, il surprend le long murmure de l'évolution. Beau style, Philippe Taquet, ce clinicien attentif et calme, que j'imagine vous souhaitez être aussi, Camille Arambourg, vous l'avez connu ? Bien sûr, il était professeur, Camille Arambourg, titulaire de la chaire de paléontologie, et je lui ai succédé quelques années plus tard, mais il m'a accueilli, j'étais tout jeune étudiant, à 25 ans, et il a été absolument charmant, et aussi m'a aidé. Il a obtenu de l'Académie des sciences une subvention de 800 francs, à l'époque, c'était quelque chose tout de même, en 1966, pour m'encourager dans mes recherches en Afrique, puisqu'il avait lui-même fait des travaux en Afrique du Nord. Votre côté Cuvier, débarquant à Paris. Oui, alors ça, c'était tout à fait émouvant. C'était mon premier contact avec des grands scientifiques, et je suis allé recevoir mon prix tout humblement et impressionné sous la coupole à l'Académie. C'est resté un souvenir absolument mémorable pour moi. Et puis ensuite, je suis parti en Afrique et j'ai fait effectivement beaucoup de découvertes dans le Sahara, au Niger, avec des squelettes de dinosaures par dizaines et des tonnes d'ossements. Et c'est évidemment été l'objet de ma thèse de doctorat. Cet escalier est toujours là, on peut le voir. L'escalier est magnifique. C'est un escalier majestueux, orné de chrysanthèmes en bronze. Et cet escalier sert très souvent de lieu pour les tournages de films. Je me souviens avoir vu Joseph Losey dans son dernier film. Le dernier. Oui, il était assez souffrant déjà, dans son film se trouvait Jeanne Moreau dans un film qui s'appelait La Truite. D'après Roger Vaillant, si je me trompe pas. Oui, et donc une des séquences se passe là. Mais un long dimanche de fiançailles, par exemple, il y a une séquence dans le hall de la paléontologie et de la galerie d'anatomie comparée. Oui, les films de Genet. Il y a énormément de tournages qui se passent dans ces lieux parce qu'évidemment ils sont évocateurs, poétiques, et puis ils inspirent tous les artistes. Ils ont inspiré Claudel, l'écrivain, qui a écrit un texte magnifique qui s'appelle Ossements. Oui. Sur cette galerie. Ah oui, oui. Oh, un texte absolument merveilleux qu'il faut lire. Qu'est-ce qu'il y dit? Eh bien, Claudel arrive de ses voyages lointains en Chine et il dit, chaque fois que je viens à Paris, je viens dans le sanctuaire du muséum et où on ôte non seulement son chapeau mais aussi ses chaussures avant d'entrer dans le musée de paléontologie, et on voit dans cette galerie tous les bleus de la création que Dieu a imaginé avant de faire les animaux réels. Et Claudel pense évidemment aux animaux fossiles. Mais comme Claudel ne croit pas du tout à l'évolution, il dit « mais tout ça, quelle blague !» Par contre, il a une description poétique, magnifique, des squelettes, des arcades, des côtes, des cages thoraciques et des fémurs qu'il compare à l'architecture des arcades métalliques de cette galerie du XIXe siècle. Et ce texte est absolument admirable. Et comment pouvait-il combiner son créationnisme, l'idée que Dieu avait créé en une semaine les hommes et la terre, et avec ce regard qu'il était contraint de jeter ou qu'il avait le goût de jeter sur la très longue durée de la paléontologie? Oui, et en même temps, il comprenait tout de cette structure des vertébrés. Au fond, il est un peu comme Cuvier. Cuvier n'a pas été au-delà de cette interprétation des architectures. Il est resté lui aussi fixiste, finalement. Et puis, la galerie a inspiré les auteurs de bandes dessinées aussi, comme Tardy. Ah, grand Tardy. Ah oui, Adèle Blanc-Sec. Séquence qui se passe dans cette galerie même. Cette bande dessinée magnifique. Nous avons fait, il y a quelques années, une exposition sur la bande dessinée et la préhistoire. Et j'avais reçu aussi tous les auteurs de bande dessinée, le père de Rahan, vous savez, cet homme préhistorique qui était venu. Donc tous les gens étaient ravis de voir, au fond, les bandes dessinées, les planches originales et les fossiles qui avaient inspiré les dessinateurs. C'est-à-dire que depuis Jack London jusqu'à Tardy, il y a cette fascination au travail et qui crée des œuvres de grand intérêt avant même le cinéma et le numérique. Oui, songeons à Jules Verne avec son voyage au centre de la Terre. C'est un roman absolument admirable. Ça se passe en Islande. On descend, voilà, le professeur emmène son disciple. Le professeur Lindenbrook emmène son expédition et remonte dans le temps à travers les temps géologiques, va rencontrer les dinosaures qui venaient d'être décrits un peu avant. Et au fond, c'est une exploration dans le centre du globe. C'est des voyages au centre de la Terre. Et c'est tout à fait fascinant de voir l'interprétation de Jules Verne. Et puis, vous avez le fameux Monde perdu de Conan Doyle, évidemment, qui rêvait d'écrire de la littérature et des romans, mais qui a eu du succès, surtout avec ses nouvelles de science-fiction et ses nouvelles terrifiantes aussi. Dinosaur et Sherlock Holmes, ce sont les deux piliers de sa prospérité. Oui, absolument. Donc, cette fascination pour le monde perdu, non seulement elle dure depuis le début du 19e siècle, mais d'une certaine façon, elle est grandissante. Et évidemment, aujourd'hui encore, on la trouve portée par le numérique, avec le film de Spielberg de 93 que nous évoquions tout à l'heure, et qui n'aurait pas pu exister sans ces progrès des effets spéciaux. Voilà, puisqu'au fond, les premiers artistes ont tout de suite été fascinés par ces animaux extraordinaires. Et à Londres, au Crystal Palace, dans cette fameuse exposition qui avait lieu à Londres, très vite, les artistes ont réalisé des maquettes grandeur nature des dinosaures et la foule s'est pressée. Jurassic Park. On est encore au milieu du... Voilà, en 1850. Ouais, et les maquettes existent encore, on peut aller les visiter. On avait fait même un banquet dans la première maquette avant qu'elle ne soit terminée, rendant hommage à Cuvier, bien sûr. À l'intérieur de la maquette ? À l'intérieur de la maquette. C'était gigantesque. Ah oui, c'était gigantesque. Ensuite, les artistes vont s'emparer de ce sujet de choix et le summum est atteint avec le cinéma et les effets spéciaux. Et Steven Spielberg a demandé à mes confrères américains, Jack Horner, qui travaille dans le Montana, de l'aider à réaliser ce film pour les reconstitutions de dinosaures. Et évidemment, tout ce qui est dans ce film a été créé grâce à l'aide des apports de la paléontologie. Et pour remercier les paléontologues, Steven Spielberg a donné un certain nombre de milliers de dollars à la Dinosaur Society américaine pour les remercier. Mais je voudrais tout de même, Philippe Taquet, que nous revenions maintenant un peu sur l'évolution d'une connaissance, l'évolution d'une science qui nourrit constamment ses rêves et ses créations artistiques de toutes sortes. Comment, après Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, la réflexion scientifique a-t-elle évolué sur ce que furent les dinosaures, sur leur histoire? Voilà, vous avez raison, Cuvier n'a pas connu les dinosaures. Disons, il a eu des vertèbres de dinosaures en main, mais le concept n'existait pas. D'où vient le mot d'ailleurs, dinosaure? Alors voilà, la première découverte incontestable de la description scientifique d'un dinosaure remonte à 1824, lorsqu'à Oxford, un chanoine qui s'appelait William Buckland va décrire une mâchoire ornée de dents très pointues et il va baptiser cette mâchoire du nom de Megalosaurus, c'est-à-dire le saurien géant. Voilà l'acte de naissance d'un animal. Sauros, c'est saurien. Et dinos. Dinos terrible. Alors ça, on n'est pas encore dans le concept de dinosaure. Là, on a un lézard géant. Il faut attendre la découverte ensuite de l'iguanodon, c'est un animal qui a des dents qui ressemblent à celles d'un iguane, et puis d'un troisième dinosaure, pour que un homme qui s'appelait Richard Owen reprenne l'ensemble des découvertes et souligne le fait, en 1842, dans une publication, qu'il existait dans le passé des reptiles de grande taille dont les os avaient un port vertical, à l'inverse des reptiles qui rampent et dont les membres sont écartés sur le côté. Imaginez un crocodile en train de marcher ou un lézard. Voilà là des reptiles difficile. Qui étaient grands mais qui, eux, avaient les membres dressés, érigés, on dirait, comme les nôtres, comme ceux des mammifères. Donc il y avait un groupe de reptiles différents de ceux que l'on connaît dans la nature aujourd'hui, et Owen a décidé de les appeler les dinosaures, les sauriens terribles, en fonction de leur grande taille. Tout de suite, il a vu ce qui distinguait ces animaux des reptiles actuels. Reptiles debout, il fallait à la fois de la réflexion profonde et pas mal d'imagination, comme tout souvent dans la science. Tout à fait, c'était une vision excellente des choses et qui n'a pas été remise en cause. Et la station droite, les membres érigés des dinosaures, reste un concept tout à fait valable. Et puis, ce concept va avoir énormément de succès. Et à partir de 1842, alors, il va y avoir ce que j'ai appelé une ruée vers l'os. C'est-à-dire que partout dans le monde, on va trouver ces animaux. Et évidemment, les Américains vont être les champions de cette ruée vers l'os. On va d'abord trouver des dinosaures en Amérique du Nord, dans la côte est des États-Unis. Puis on va faire un retour en Europe, en Belgique, où après les découvertes britanniques, vont être trouvés, alors au fond d'une mine de charbon, 30 squelettes de dinosaures, qu'on appellera des iguanodons, qui étaient connus en Angleterre de façon fragmentaire, et là, on va trouver les squelettes entiers. Et ça a fait, évidemment, un grand bruit dans l'Europe scientifique de l'époque. Ça, c'est en 1870, on est là maintenant, et les mineurs du Hainaut, de la région de Bernissart, vont sortir du fond de la mine, non pas parce que les dinosaures sont du carbonifère, mais parce qu'il y avait une poche, un gouffre qui avait été creusé dans le calcaire de l'âge carbonifère dans lequel les dinosaures avaient été entassés. Ça, c'est une histoire extraordinaire, ces charbonnages. Alors voilà. Et on peut la lire non seulement du point de vue de l'histoire des sciences, non seulement du point de vue de l'imagination et de la création littéraire, mais même d'un point de vue politique, puisque ça marque une opposition déjà entre les Flamands et les Wallons. Ah oui, même une triple opposition, puisque les iguanodons qui vont devenir célèbres, tout de suite, vont être saisis par Bruxelles, la capitale. Et donc, on va mettre les dinosaures dans un musée magnifique, qui existe toujours, qui est l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Et évidemment, les Wallons vont dire, on nous a pris nos iguanodons pour les mettre dans la capitale, Bruxelles. Mais en même temps, il y a de la malice de leur part, parce que ils vont faire une complainte, une chanson très amusante, où ils disent que, oh ben, finalement, en Wallonie, nous, on a des grands os de dinosaures, alors que les flamands, eux, n'ont que des hares en sort avec les arêtes à se mettre sous la dent, et c'est nous qui sommes les meilleurs du point de vue de la paléontologie. Eh bien, vous nous avez apporté justement une chanson qui remonte à 1912, une chanson de Marcel Lefebvre sur cette question des iguanodons de Bernissart. Vous verrez qu'à la fin, ça se termine de la sorte. Pitié pour un iguanodon qui, par sa naissance, est wallon, qui 3000 ans eut sur les reins plus de 300 mètres d'humus borin. Ça fait rager les flamingants que les sauriens wallons soient si grands, alors qu'on ne trouve dans le sol flamand que des arêtes de raies ou de harengs. Vous déjà relu la fin, le début commençait de la sorte. Pitié pour un iguanodon qui fut gracieux et si mignon qu'à un mufle de rhinocéros, qui a plus même la peau sur les os, qu'on exhuma comme par hasard du sol tout près de Bernissart, où ce qu'il avait pourtant acheté une concession à perpétuité. Cette période de la fin du 19e et du début du 20e voit une extension géographique formidable de la quête des chercheurs de dinosaures. Oui, avec des épisodes magnifiques et passionnants où les hommes et les dinosaures sont mêlés à l'histoire des continents, à la découverte des continents, aux conflits mondiaux aussi, aux guerres. Et cette histoire de la connaissance des dinosaures est passionnante parce qu'elle mêle le côté tragique, comique parfois. Alors, plusieurs exemples. C'est évidemment les États-Unis s'emparent de la quête des dinosaures dans les montagnes rocheuses. Et ça fait partie en même temps que la prise de possession des territoires de l'Ouest. Il y a les deux opposants jumeaux, hein, voilà. Que sont Marsh et Cope. Voilà. Et qui d'ailleurs... Marsh et Cope étaient deux personnalités extraordinaires qui se livrent une guerre pour avoir évidemment le plus beau et le plus complet des dinosaures. L'un voulant les ramener à Yale, à l'université de Yale, au Yale Peabody Museum, et Marsh est immensément riche et va pouvoir financer des équipes de fouilleurs sur le terrain, et Cope, lui, le fait pour le musée de New York. Et alors, c'est à celui qui ira le premier sur ces sites. On corrompt les fouilleurs adverses, on cache les gisements. Quand on a trouvé un gisement et qu'on a sorti quelques os, s'il en reste, on va les détruire pour que les autres n'aient pas le loisir de les récolter à la place. Bref, c'est la guerre, vraiment, et tout ça au milieu de territoires d'Indiens. Il faut être armé, c'est tout de même assez hasardeux encore. C'est Stanley Livingston, concurrent en Afrique. Absolument, et en même temps, c'est l'ambition scientifique. C'est-à-dire, c'est d'être le premier, le plus connu, celui qui a décrit le plus de dinosaures. Et dans leur furie, ils vont décrire quelquefois deux fois le même spécimen, avec des noms différents, enfin. C'est un épisode de la guerre des os qui est assez étonnant. L'autre aspect de la façon américaine de chercher les os dinosaures, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à des capitaux considérables. Alors on va chercher Andrew Carnegie, le roi de l'acier, qui est à Pittsburgh, et Barnum Brown, qui est chasseur de dinosaures, mais qui était un chasseur professionnel, qui a toute sa vie collecté des dinosaures, au point que sa femme, un jour, s'est mise à écrire un livre pour se venger de son mari. Et le livre, le titre du livre était « J'ai épousé un dinosaure ». Pour se venger de son mari, elle a écrit ce bouquin. Vengeur. C'est un coquifiage de qualité spécifique. Absolument. Et alors, Barnum Brown va trouver Andrew Carnegie, le droit de l'acier. Et Carnegie, sur son journal, lui dit « Donnez 20 000 dollars ». À monsieur Barnum Brown, et avec ça, il va à la banque, il va chercher de l'argent, et il va trouver dans le Wyoming et les montagnes rocheuses le fameux Diplodocus. Et qu'on va appeler Diplodocus Carnegie, en hommage à monsieur Carnegie. Et évidemment, l'argent va jouer un rôle. Carnegie, très fier, va redonner de l'argent à Barnum Brown, mais on va trouver un autre dinosaure qu'on va appeler Apatosaurus louisier, parce que madame Carnegie s'appelle Louise. Dites-moi, Philippe Taquet, dans votre corporation de chasseurs de dinosaures, les passions sont encore aussi fortement au travail, les hargnes, autour de la recherche, la fierté d'avoir trouvé, là, on se dispute oui. L'argent, le financement? La fierté d'avoir trouvé, oui. Les territoires de chasse que l'on garde plus ou moins secrets, oui. Les disputes comme Marsh et Cope, non, elles sont plus sur les hominidés fossiles qui cristallisent, je dirais, plus les passions que pour les études des dinosaures. Il y a un glissement des passions. Oui, parce que les fossiles de dinosaures sont relativement nombreux et abondants, donc on peut en trouver tout de même beaucoup sur tous les continents. Chacun a sa place. Voilà. Tandis que les hominidés fossiles ne sont pas nombreux, et ça, ils sont évidemment beaucoup plus disputés. Donc vous êtes plus calme, plus paisible, oui, plus harmonieux que les spécialistes de la préhistoire. Mais il y a eu évidemment des épisodes tout à fait sidérants. En particulier lorsque les Allemands avaient des colonies sur le continent africain, au Tanganyika, ils vont, avec des souscriptions nationales, récolter des tonnes et des tonnes de dinosaures qui vont venir jusqu'à Berlin, au Humboldt Museum, Alexandre Humboldt, le célèbre explorateur. Le sort a voulu que, eh bien, avec les guerres, d'abord les dinosaures ont failli être bombardés, ils ont échappé aux bombes, mais ils n'ont pas échappé à la séparation de l'Allemagne en deux. Et tous les dinosaures que les Allemands avaient payés de leur poche sur souscription nationale se sont retrouvés à Berlin-Est, pendant des années. Vous avez été obligé de traverser Checkpoint Charlie pour aller les voir ? Absolument, c'est ce que j'ai fait en 1971, et contrôlé comme un suspect, évidemment. Quand on vient voir des dinosaures, on passe pas pour un espion. Ça me paraît un peu louche. Oui, ça peut être un bon prétexte, évidemment. Donc je suis allé voir ces dinosaures, mais maintenant on peut y accéder plus facilement. Et au fond, toutes ces histoires, lorsque des dinosaures ramenés à Munich par un Allemand qui s'appelait Stromer von Reichenbach, qui avait récolté des dinosaures magnifiques en Égypte en 1911, tous ces dinosaures qu'il avait précieusement récoltés vont être détruits lors d'un raid aérien de la Royal Air Force sur l'Allemagne en 1944. Donc, au fond, tout se mêle, les passions, l'histoire, la découverte, et puis le prestige. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde va en Chine trouver des dinosaures magnifiques, très grands, très beaux. Dragons, gros. Toujours les dragons. Oui, les dragons modernes, avec des découvertes superbes qui ont été faites. Mais l'Afrique n'est pas en reste. Et je travaille, par exemple, au Maroc depuis plusieurs années, où au Maroc, c'est un territoire extraordinairement favorable, où nous avons trouvé des squelettes magnifiques, très complets. On envisage maintenant de faire un parc géologique national au Maroc, un musée, et nous avons tourné là-bas un film superbe qui a été diffusé dans 165 pays et qui raconte la découverte de dinosaures totalement nouveaux pour la science grâce à une équipe franco-marocaine extrêmement passionné par ce travail. Et je repars dans quelques jours sur le terrain. Le succès de ce DVD, dont je donnerai la référence tout à l'heure, témoigne que la curiosité, l'appétit, à la fois ému et affectif à l'égard de cette connaissance du très très long passé n'a pas diminué du 19e siècle à nos jours. Au contraire, elle s'est élargie et elle est de tous les âges. Comme 7 ans à 77 ans, tout le monde se passionne pour ces animaux étranges. Toujours la bande dessinée. Et dans tous les pays. Finalement, c'est ça qui est assez intéressant dans ce phénomène. Autrefois, c'était réservé à quelques personnes vivant dans le monde occidental ou en Europe, aux États-Unis. Mais maintenant, c'est le monde entier. De la Chine jusqu'à l'Argentine, de l'Alaska jusqu'à la Nouvelle-Zélande, tous les gens sont passionnés par la découverte et les dinosaures et leur étude. C'est un des phénomènes du XXe siècle dans ce domaine, c'est l'extension géographique de la recherche. Vous-même, vous n'avez à peine le temps de poser votre brosse à dents et votre tente au Laos, que vous allez en Afrique subsaharienne, au Maroc, etc. Vous ne croyez pas si bien dire, je repars le 18. Si, je savais que je disais bien. Pour une nouvelle mission. Et oui, c'est l'attrait de ce métier, bien sûr. Il n'y a pas plus globe-trotter que le chasseur de dinosaures. Ça. Voilà, c'est voyager dans le passé, c'est voyager beaucoup dans l'espace. Dans l'espace. Oui, c'est ça. Alors je voudrais que nous en venions maintenant à ce qui a été un grand débat, bien sûr, central. C'est la question de la fin des dinosaures et de l'éventuelle résurgence de leur réalité, au moins dans vos têtes et dans votre compétence, Philippe Taquet, mais aussi, c'est bien le mythe de Jurassic Park, éventuellement leur résurgence dans le concret des choses. Alors, nous parlions tout à l'heure de Jurassic Park, en voici un extrait dans la version française, 1993, Steven Spielberg. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un entrepreneur de spectacle qui a l'idée de recréer un dinosaure vivant. Mais là-dessus, évidemment, le magicien est dépassé par ses créatures. L'apprenti sorcier. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Je vous remercie, professeur Malcolm, mais je crois que les choses sont un peu différentes de ce que vous et moi créons. Oui, je sais, elles sont pires. Non, mais attendez, nous n'avons même pas visité encore... Non, Donald, laissez-le parler. Il n'y a pas de raison, je veux entendre le point de vue de chacun, vraiment. Mais John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Ce n'est vraiment pas le moment de commencer à énoncer des généralités. Non. Si vous permettez, je vais vous dire que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique dont vous usez ici, ne requiert aucune discipline pour l'atteindre. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité en cela. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et, pour accomplir quelque chose le plus vite possible, et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre sans ça. Écoutez, je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant eux. Oui, mais vos savants étaient si préoccupés parce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Les condors sont en voie de disparition. Et si je voulais créer... Non, si je voulais créer une volée de condors sur cette île, vous ne feriez aucune objection. Non, attendez, ce ne sont pas des espèces que le déboisement a fait disparaître. Ou la construction d'un barrage, par exemple. Non, les dinosaures ont eu leur chance. C'est la nature elle-même qui les a fait disparaître. Je ne peux pas comprendre cette attitude rétrograde, en particulier chez un savant. Je veux dire, comment peut-on sentir qu'on est à l'aube d'une découverte et ne pas agir? Qu'est-ce qu'il y a de si beau dans la découverte? C'est un acte violent de pénétration qui marque au fer rouge ce qu'il explore. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. Professeur Grant, s'il y a bien une personne ici qui peut apprécier ce que j'essaie de faire, c'est bien vous. Le monde a changé si radicalement et nous courons tous pour le rattraper. Je ne voudrais pas tirer de conclusions hâtives, mais le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer ? Fascination de ce face-à-face est un peu le vôtre, Philippe Taquet. Ce dialogue entre le savant et l'entrepreneur vous inspire quelle réaction? Vous vous sentez solidaire avec le savant? Rassurons les auditeurs d'abord. Les dinosaures ne retrouveront jamais la vie au sens où les brins d'ADN ne se conservent pas au-delà de 25 000 ou 30 000 ans. Donc pas d'espoir. Il est tout à fait exclu, malheureusement. Et il faudra toujours faire appel aux paléontologues pour redonner la vie aux dinosaures, ce qui me plaît évidemment beaucoup. Et ce face-à-face, nous le vivons. On redonne d'une certaine manière, à l'inverse du chasseur qui supprime la vie, le paléontologue, lui, redonne la vie d'une certaine manière en récoltant ses ossements, en les remontant, en mettant la chair autour des ossements, en mettant les couleurs et en imaginant le mode de vie de ces animaux. Et on y arrive assez bien en faisant de la paléoécologie même, en étudiant les empreintes, leurs squelettes, et même leurs tissus osseux qui sont tout de même parfois conservés et qu'on scie en lames minces pour étudier au microscope leur physiologie. On arrive tout de même à une très grande précision et c'est ce travail qui est fascinant, qui est d'une certaine manière redonné vie à des animaux disparus depuis des millions d'années. Donc ils sont là, tout proches, mais sans péril pour nous. Voilà, exactement. Par contre, ils sont là pour nous, finalement, nous nous posons des questions énormément et plus on étudie les dinosaures, plus on se pose de questions, et vous évoquiez la disparition. Oui, grande question essentielle. Grande question. Vous êtes mis d'accord, vous, les marches et les côtes d'aujourd'hui, les savants, est-ce que vous continuez à vous entre-déchirer sur cette grande question? On continue à bien discuter sur cette grande question. Il y a maintenant un meilleur consensus et au fond quatre grandes théories sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez, mais historiquement... Mais quelles sont les quatre? Un consensus sur quatre possibilités, oui, c'est un consensus encore relatif. Oui. Celle qui a tout de même un peu percé ces dernières années, c'est les éruptions volcaniques avec le dérèglement climatique consécutif à des grands dépôts de basalte à intervalles réguliers et chaque grande extinction de la faune et de la flore sur la Terre semble étroitement liée à ces soubresauts de la planète qui vont répandre des gaz dans l'atmosphère, faire une espèce d'effet de serre. Avant cette idée, c'était celle de la chute d'une météorite qui prévalait, mais elle bat un peu de l'aile, si je puis dire, cette théorie. C'est ce qu'on nous a beaucoup enseigné, nous autres ignorants. On nous a beaucoup dit que, parce que ça fascine aussi toujours du côté de l'imagination, l'irruption de l'inattendu qu'on ne peut en rien maîtriser. Voilà. Mais on n'y croit plus. Alors, si, et c'est au fond tout le sens du débat. Si on revient un peu pour refaire de l'histoire des sciences, s'il vous plaît, on peut revenir à Cuvier. Et c'est tout de même Georges Cuvier qui, dans son fameux discours sur les révolutions du globe, va s'interroger sur la succession des faunes au cours des temps. Cuvier, très astucieusement, va voir qu'il y a un temps des mammouths, dont on parlait tout à l'heure, puis avant cela, un temps de mammifères, très différents de ceux d'aujourd'hui qui sont les fameux animaux que l'on trouve sous la colline de Montmartre, les animaux du gypse, des anoplotériums, paléothériums, ça ressemble à des tapirs. Et puis avant cette période, dans les couches de terrain plus anciennes, il y a ce monde des reptiles, des crocodiles et puis ce monde des dinosaures. Et donc Cuvier dit, mais entre les deux, il s'est passé des événements soudains, catastrophiques, qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui avec des causes actuelles. Il y a eu des révolutions. Comme Cuvier a traversé la révolution, c'est quelque chose qui lui parle. C'est-à-dire que pour lui, l'histoire a des soubresauts et des ruptures. Et c'est dû ce fameux discours sur les révolutions du globe. Ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup plus d'espèces, puisque certaines ont disparu, et que celles qui demeurent sont venues d'ailleurs. Elles reviennent repeupler la planète à partir de refuges où elles se trouvent. Hein. Cuvier ne dit pas qu'il y a des créations successives. Il dit simplement qu'il y a des catastrophes soudaines qui vont exterminer la plupart des animaux sur Terre. Alors de quand date l'idée que serait tombé un astéroïde très très grand qui aurait provoqué... Beaucoup plus récemment, dans les années 60. Ça, 1960. Oui, dans les années 60. Et donc, après Cuvier, et c'est là où ça devient intéressant, on a Darwin. et une vision différente avec aussi le fondateur de la géologie qui s'appelle Charles Lyell, l'anglais, qui, eux, dans une période qui est post-révolutionnaire, évidemment, qui est dans la période des progrès des sciences et des techniques en Grande-Bretagne, on voit les choses de façon graduelle. On voit l'histoire et le progrès humain se dérouler de façon progressive. Et donc Darwin ne croit pas à ces catastrophes. Extinction provisoire, c'est ça ? Oui, il pense au contraire que les choses se font graduellement, progressivement. Alors les dinosaures disparaissent. Il n'y a pas de rupture et la sélection des espèces, la compétition vont expliquer finalement l'élimination de certaines espèces au détriment des autres qui sont plus adaptées et qui vont survivre. Voilà une vision progressive de l'histoire. Et puis on arrive alors dans les années 60 où on a un néo-catastrophisme au fond, qui est assez corrélé avec l'ambiance du temps. C'est-à-dire, on parle de guerre nucléaire, vous voyez, on parle de choses comme ça. Et à ce moment-là, les Américains vont sortir l'idée de la chute d'une énorme météorite. Les Américains, toujours ce lien passionnant entre le climat politique d'un moment et l'avancée de la science. Incontestablement. Avec une vision, Alvarez, géophysicien, et son fils géologue, ont écrit un petit livre dont le titre est à lui toute une vision assez sociologique de la science. C'est Cathy, Tyrannosaurus and the Crater of the Doom. C'est-à-dire le tyrannosaure et le cratère de la fin des temps. Voilà. Et donc chaque chapitre est intitulé Armageddon, l'Apocalypse. Enfin, vous voyez une vision très très, comment dirais-je, catastrophiste, apocalyptique des choses. C'est le temps du docteur Follamour. Un petit peu. Et puis on a maintenant en train d'abandonner cette vision des choses pour revenir à une vision où les événements sont soudains. L'histoire de la Terre n'est pas, et de la vie sur Terre n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite des événements. On parle beaucoup d'effets de serre aujourd'hui, mais moi j'étudie les effets de serre qui se sont produits au Crétacé inférieur pour anéantir des faunes entières de dinosaures, de crocodiles, de poissons, de tortues, et être remplacés par d'autres faunes. La vie repart sur de nouvelles bases. C'est pas très encourageant pour nous, au moment où il y a toutes ces réunions sur l'effet de serre. Voilà, ça se passe évidemment à l'échelle géologique. Ça se passe, c'est limité dans le temps à l'échelle géologique, c'est relativement brusque et soudain, mais ça dure quand même 500 000 ou 1 million d'années. Chez vous, la soudaineté, c'est 1 million d'années. Voilà, c'est l'unité de temps. Et donc, tout de même, mais ça... Catastrophe, on pense à quelque chose de presque instantané. L'astéroïde serait presque instantané. Alors là, ça, c'est une vision extrêmement apocalyptique. C'est pas celle qui est la plus adoptée aujourd'hui. C'est celle plus des éruptions volcaniques, et ça, c'est 500 000 ans. Mais il faut bien, en effet, distinguer le cours naturel des choses, de l'histoire de la vie sur Terre, faite d'événements soudains, d'événements assez catastrophique, des bouleversements du climat et les apparitions, par exemple, de la flore au Crétacé, des plantes à fleurs, ce qu'on appelle les angiospermes, sont probablement directement liées à des effets de serre, à une augmentation du gaz carbonique. S'il y a des grands dinosaures, c'est qu'il y a beaucoup plus de CO2 et que la température atteint plus de 30 degrés sur la plateforme africaine. Et ça conditionne l'évolution de la vie. Donc un dinosaure n'aurait pas pu offrir des fleurs, si je comprends bien, à un dinosaure femelle à l'époque du Trias, non, ou du Jurassique. Non, et après, à la fin du Crétacé, les choses changent, se refroidissent. Donc, en effet, les dinosaures disparaissent aussi parce qu'il ne fait pas aussi chaud qu'avant. Et tout ça, en effet, est lié. Et donc, la vision que peuvent apporter les géologues et les paléontologues sur le temps présent et éventuellement sur le futur est extrêmement intéressante parce qu'elle donne la dimension réelle de l'échelle de temps. Les hommes ont tendance à regarder à l'échelle d'une élection, par exemple, ou à l'échelle d'une vie, ce qui est évidemment très court. Le paléontologue, dont l'unité de temps est effectivement 1 million d'années, regarde l'histoire de la vie sur Terre d'une manière différente. Et tous mes collègues, que ce soit Théodore Monod ou Steve Jay Gould, ont une approche de l'histoire de la vie en général et des espèces vivantes qui prend en compte ces immensités du temps et de la durée. Vous citez Théodore Monod. Eh bien, justement, ce sera notre dernière archive. Une interview de lui dans son grand âge. On est le 25 mai 1996. Vous allez voir ce qu'il dit de l'avenir de l'humanité par comparaison avec le passé des dinosaures. On sait très bien que dans l'évolution, il y a un certain nombre de groupes qui, au terme d'une certaine durée, comme s'ils avaient reçu à l'avance le droit de durer un certain temps, disparaissent. Il y en a qui traversent presque toute la série animale. Les scorpions sont très anciens et les actuels ressemblent aux anciens. Les blattes sont très anciennes, les actuels ressemblent aux anciennes. C'est vrai. Mais les dinosaures ont disparu. Les ammonites ont disparu à peu près en même temps, d'ailleurs. Ce qui prouve que c'est encore un problème singulier, ça. Qui avait dominé la mer depuis le Paléozoïque, alors. Ils avaient commencé encore plus tôt que les dinosaures. Ils ont disparu en même temps. Donc, il s'est passé quelque chose dans la mer aussi. Ou bien les ammonites étaient arrivés au terme de possibilité de survie et d'évolution. C'est, ça a dû arriver bien des fois. Il y a des relais dans l'évolution. Et le jour où les hommes disparaîtront, ils seront relayés par un autre groupe zoologique. Il n'attend que le moment. Voilà, c'était Théodore Monod. Vous l'avez connu, naturellement, Philippe Taquet. Ah, beaucoup. Nous habitions même immeuble. Et il s'est trouvé... Oui, et nous partions presque chaque matin ensemble au muséum. Et puis, j'ai été, par le hasard, son directeur. Je suis devenu son directeur, alors qu'évidemment, il était mon maître, un peu, d'une certaine manière. Et nous avons eu des échanges très nombreux. J'ai prononcé, d'ailleurs, son éloge devant l'Académie. Mais il était, en plus, un homme délicieux et plein d'humour. Je vous raconte un jour, lorsqu'il est sur ma cagnotte, je lui avais donné un peu d'argent pour retourner en Mauritanie chercher sa fameuse météorite. Il était à la retraite, donc il n'avait plus les crédits de mission normaux. Au retour de sa mission, il est venu me voir et je croyais comme un jeune missionnaire du muséum faisant son compte-rendu au directeur. Alors il est venu s'asseoir à côté de moi, c'était dans le bureau de Buffon, hein, c'était l'administration du muséum. Continuité. Il m'a dit, cher ami, écoutez, connaissez-vous la dernière histoire drôle? Alors je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me raconte une histoire drôle, et je croyais qu'il allait me parler de la météorite. Eh bien, mon cher ami, savez-vous la différence entre le plombier et Jésus-Christ? Oh, j'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, mais on les attend tous les deux, mais on sait que le plombier, lui, ne viendra jamais. Voilà, c'était du Théodore Monod tout craché. Mais il était gay, mais pessimiste en même temps. Parce que l'idée qu'au fond, chacun son tour, les hommes vont disparaître, on est presque aux limites de la métaphysique, là. Tout à fait. C'était dans sa formation protestante de regarder les choses avec ce pessimisme, ce détachement vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la terre, mais en même temps une grande attention. Cuvier, après tout, était luthérien, très croyant, très pratiquant, mais c'est lui qui quand même introduit les révolutions du globe et l'histoire des espèces. Eh bien, vivons heureux en attendant la disparition des hommes. Merci beaucoup Philippe Taquet. Votre livre central s'appelait « L'empreinte des dinosaures ». Il est paru chez Odile Jacob en 1994 et a été réédité en 2001 en livre de poche. Vous l'aviez fait précéder de cette citation de Georges Cuvier. « N'y aurait-il pas aussi quelque gloire pour l'homme à savoir franchir les limites du temps et à retrouver, au moyen de quelques observations, l'histoire de ce monde et une succession d'événements qui ont précédé la naissance du genre humain ?» Rarement, en concordance des temps, à chercher aussi loin en arrière. Il me semble que cette citation de Cuvier aurait pu servir d'épigraphe pour notre rencontre. Vous avez aussi publié tout récemment, nous y faisions allusion, la biographie de Georges Cuvier, Naissance d'un génie. J'ai évoqué aussi avec vous ce DVD qui est disponible dans le commerce, publié par Arte Vidéo en 2005, et qui s'appelle L'empreinte des dinosaures, un film de Pierre Steen qui a été diffusé dans le monde entier. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée avec la collaboration d'Agnès Chauveau et de Meryl Moneghetti, réalisée par Patrick Molinier et avec aussi Nathalie Rouvillain, Jean-Michel Després et pour les Archivina, Véronique Jolivet.